Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 14. De la science de Dieu. La science étant Dieu, objet de la science divine. 1. La science est-elle en Dieu? Aux profondeurs des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, s'est écrié saint Paul. Romains 11, 33. La nature des êtres privés d'intelligence est restreinte, celle des êtres intelligents est étendue. Or, ce qui resserre et comprime les natures, c'est la matière. Plus les êtres sont immatériels, plus ils approchent de l'infini. L'immatérialité est la condition et la garantie de la connaissance. Les plantes ne connaissent pas, dit Aristote, parce qu'elles sont matière. Les sens, qui peuvent recevoir des images immatérielles, connaissent à quelques degrés. L'intelligence humaine, qui est beaucoup plus séparée de la matière, connaît plus parfaitement. Or, Dieu est souverainement immatériel, cela seul prouve qu'il a la connaissance et la science au suprême degré. 2. Dieu se connaît-il lui-même? Ce qui est en Dieu, dit l'apôtre, nul ne le connaît que l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Donc Dieu se connaît. Puisqu'il est un acte pur, l'intelligence et l'objet intelligible ne sont pour lui qu'une seule et même chose sous tous les rapports, de manière que l'intelligence et les idées sont identiques dans sa nature. C'est ainsi qu'il se connaît lui-même par lui-même. 3. Dieu se comprend-il lui-même? Dieu se connaît parfaitement, donc il se comprend. La faculté de connaître est aussi grande en lui que l'actualité de son existence. 4. La connaissance de Dieu est-elle sa substance? Oui, elle est sa substance même, car son essence n'est autre que l'espèce intelligible. Pour lui, l'intelligence, l'espèce intelligible, la science, l'essence et l'être sont une même chose. Il n'a rien à recevoir des objets du dehors, sa connaissance, c'est son être. 5. Dieu connaît-il les autres êtres? Tout est à nu et à découvert devant ses yeux, nous dit saint Paul, Hébreux 4, 13. Dieu, se connaissant parfaitement lui-même, connaît tout par sa propre essence, où il se voit lui-même, et où il voit aussi l'image ou espèce représentative des autres êtres qui préexistent en elle d'une manière très parfaite. 6. Dieu connaît-il les êtres d'une connaissance propre? Dieu, dit l'apôtre, atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, il discerne les pensées et les intentions secrètes du cœur. Aucune créature n'est invisible pour son regard. Hébreux 4, 12. Il est clair, par ses paroles, que Dieu connaît les êtres d'une connaissance propre et particulière. Il a été dit que toutes les perfections des créatures se trouvent contenues suréminemment en lui. Or, les perfections des créatures, c'est ce qui les distingue les unes des autres et les constitue chacune dans leur espèce. Tous les êtres préexistent donc dans l'être universel avec les propriétés particulières qui les distinguent, aussi bien qu'avec les attributs généraux qui les rapprochent. Voilà pourquoi Dieu peut connaître tous les êtres d'une connaissance propre. Ensuite, ce qui fait la nature particulière d'un être, n'est-ce pas la manière dont il participe à la perfection suprême? Or, il est évident que Dieu ne se connaîtrait pas parfaitement lui-même s'il ne savait pas comment ses perfections sont communicables aux créatures. Comment connaîtrait-il à fond la nature de l'être s'il n'en pénétrait pas tous les modes? On le voit donc. Dieu connaît toutes les choses particulières dans ce qui les distingue les unes des autres. 7. La science de Dieu est-elle une science de raisonnement? Dieu, dit saint Augustin, voit toutes choses en même temps, et non pas successivement en allant d'un objet à un autre. En d'autres termes, la science de Dieu n'est pas discursive. La nôtre l'est de deux manières, par succession et par causalité. D'abord, celle de Dieu ne l'est pas par succession, il voit toutes les choses dans une seule, qui est son essence, et dès lors il ne les voit pas successivement les unes après les autres. Elle ne l'est pas non plus par causalité, car, voyant ses propres effets dans lui-même comme dans leur cause, il n'a pas besoin, comme nous, de descendre du principe à la conclusion ni de passer du connu à l'inconnu, pour les discerner tous. 8. La science de Dieu est-elle la cause des choses? Saint Augustin a dit, Dieu ne connaît pas les créatures parce qu'elles existent, mais elles existent parce qu'il les connaît. La science divine, en effet, est aux choses créées ce que la science de l'artiste est à son travail. Or, la science de l'artiste est la cause de son œuvre. Mais, comme il faut que l'intelligence de celui-ci soit inclinée vers un effet par sa volonté, Dieu, de même, produit les choses par son intelligence, puisque son intelligence est son être. Mais il faut aussi que son intelligence soit déterminée à l'action par sa volonté suprême, et c'est ce que les théologiens appellent science d'approbation. De sorte que la cause des choses, c'est la science de Dieu jointe à sa volonté. Note. Il s'agit des êtres en général. La science divine est la cause des choses de la nature, et les choses de la nature, à leur tour, sont la cause de notre science. La nature précède et mesure la science de l'homme, tandis que la science divine précède et mesure la nature. Fin de la note. 9. Dieu a-t-il la science des non-êtres? Il appelle les choses qui ne sont pas, dit l'apôtre, comme celles qui sont. Romains 4, 17. Dieu connaît tout ce que la créature peut faire, dire ou penser, il sait tout ce qu'il peut produire lui-même. Par conséquent, il connaît tout, même ce qui n'est pas arrivé à l'existence. Les choses qui ont été ou qui seront, il les connaît de sa science de vision, celles qui n'ont jamais été et qui ne seront pas, il les connaît par sa science de simple intelligence. Ainsi Dieu possède la science des non-êtres, parce qu'il connaît les choses purement possibles. 10. Dieu connaît-il les maux? L'enfer et la perdition sont à nu devant le Seigneur. Proverbe 15, 11. Ainsi parlent les proverbes. Donc Dieu connaît les maux. On ne connaît pas parfaitement un être si l'on ne sait les altérations accidentelles qu'il peut subir. Combien de choses bonnes peuvent être accidentellement altérées là et même corrompues par le mal. Si Dieu ne connaissait pas le mal, il ne connaîtrait le bien qu'imparfaitement. Chaque chose est connue suivant ce qu'elle est. Or, le mal est la privation du bien. Dieu le connaît donc par le bien, comme on connaît les ténèbres par la lumière. C'est cette vérité qui a inspiré ces paroles à saint Denis. Dieu a par lui-même la vision des ténèbres, il les voit dans la lumière. En d'autres termes, Dieu connaît le mal par le bien contraire. On peut dire encore que le mal est opposé, non à l'essence divine, mais aux effets divins, que Dieu connaît par sa propre essence, et qu'en connaissant ses effets il connaît le mal qui leur est opposé. 11. Dieu connaît-il chaque chose en particulier? Qui pourrait révoquer en doute que Dieu connaisse le particulier et le matériel, quand les proverbes disent « Toutes les voies de l'homme sont découvertes à ses yeux » Proverbe 16, 11. Nous avons vu que les perfections des créatures sont en lui avec suréminence. Or, notre perfection consiste à connaître les choses en particulier. Il les connaît donc aussi de la sorte, autrement nous pourrions avoir des connaissances qu'il n'aurait pas. Ne serait-il pas le plus insensé des êtres s'il ignorait ce que c'est que la discorde ? Disait Aristote, argumentant contre Empédocle. Pourquoi Dieu ne connaîtrait-il pas en particulier des êtres qu'il a créés en particulier ? Pourquoi sa science ne s'étendrait-elle pas aux choses individualisées par la matière aussi bien qu'aux formes qui constituent les généralités ? Son essence, modèle et principe des êtres, ne saurait être insuffisante pour lui faire connaître, non seulement en général, mais en particulier, tout ce qu'il a fait. Il en serait même ainsi de la science de l'artisan, si celui-ci produisait tout l'être, et non pas seulement les formes des choses. 12. Dieu connaît-il les choses infinies ? Dieu connaît, non seulement ce qui est actuellement, mais ce qui est possible par lui ou par quelqu'une de ses créatures. Quoiqu'il n'y ait pas de nombre qui puisse exprimer l'infini, dit saint Augustin, cependant l'infini peut être compris par celui dont la science est sans limite. Les pensées de l'esprit, les affections du cœur, qui doivent se multiplier à l'infini chez les créatures raisonnables pendant l'éternité, Dieu, incontestablement, les connaît, et l'on peut dire ainsi qu'il connaît les infinis. L'essence divine, par laquelle il exerce son intelligence, est un miroir qui suffit à la représentation de tout ce qui est et de tout ce qui peut être, non seulement quant aux principes généraux des êtres, mais quant aux principes propres de chacun, et, de cette manière, la science divine s'étend aux infinis, même en tant qu'ils sont distincts les uns des autres, non pas que Dieu voit les choses infinies par un procédé successif, partie par partie, car de cette façon, on n'arrive jamais au terme d'une série illimitée, mais il les perçoit par le seul acte de son intelligence, puisqu'il a été démontré que sa science est simultanée, et non pas successive. Ainsi, en supposant qu'il existât des infinis en nombre ou en grandeur, supposition évidemment gratuite, puisque ces infinis existeraient dans des natures particulières qui les limiteraient, la science de Dieu les mesurerait encore par la forme qu'elle leur assignerait. 13. Dieu connaît-il les futurs contingents ? Dieu, dit le psalmiste, a formé le cœur des hommes, et il connaît toutes leurs œuvres. Psaume 32, 15. Il a été reconnu que Dieu connaît toutes choses, non pas seulement ce qui existe actuellement, mais ce qui est dans sa puissance et dans celle des créatures. Donc, par là même que dans nos actes futurs il y en a de contingents, Dieu connaît les futurs contingents. Que, celui qui ne connaît un effet contingent que dans sa cause n'en est qu'une connaissance conjecturale, cela se conçoit, la cause contingente pouvant amener des effets opposés, il est impossible de savoir, d'une manière certaine, si elle produira celui-ci plutôt que celui-là. Mais Dieu, qui voit les contingents, non seulement dans leur cause, mais en eux-mêmes, comme présents sous ses regards suivant l'existence qu'ils ont ou doivent avoir, les connaît d'une connaissance infaillible, non seulement parce qu'il a en lui les raisons de toutes les choses, comme le disent quelques-uns, mais parce que son regard, du haut de son éternité qui est simultanée, embrasse tous les temps et tous les êtres comme existants à la fois devant lui. De cette sorte, il connaît infailliblement les choses contingentes pour les voir, tandis qu'elles restent des futurs contingents par rapport aux causes prochaines qui doivent les produire. Note. pour comprendre que Dieu connaît l'avenir et le futur contingent, représentez-vous un homme placé en observation sur la cime d'une montagne au pied de laquelle est une voie très fréquentée. De cette hauteur, il découvre toute la route et discerne tous les voyageurs qui la remplissent, tandis que les voyageurs eux-mêmes n'aperçoivent qu'un petit nombre de ceux qui les précèdent ou les suivent. Ainsi Dieu, du haut de l'éternité, qui domine le temps, voit la génération entière des hommes et connaît infailliblement les futurs contingents, qu'il voit tous présents à ses regards. Fin de la note. 14. Dieu connaît-il tout ce qui peut être énoncé par la parole? Dieu connaît tout ce qui peut s'énoncer par la parole, puisqu'il connaît toutes les pensées des hommes, comme nous l'apprend le psalmiste. Psaume 93, 2. Celui qui sait tout ce que nous pouvons faire ou penser connaît nécessairement toutes les propositions que nous pouvons former. Son essence infinie ne lui représente-t-elle pas tout ce qui est ou peut être? Par elle, il sait l'essence des êtres et les accidents dont ils sont susceptibles. Conséquemment, il n'ignore rien de tout ce qui peut être énoncé dans le langage humain. La science de Dieu varie-t-elle? Il n'y a en Dieu, dit Saint Jacques, ni variation ni ombre de changement. Jacques 1, 17. Les choses créées sont variables en elles-mêmes, mais Dieu, qui voit leur variation, est invariable. Il sait de toute éternité ce qui est et ce qui doit être dans la durée des siècles. Sans varier dans sa science, il sait qu'une chose qui est aujourd'hui ne sera plus demain. Il sait pareillement, restant invariable dans ses idées, qu'une proposition est vraie dans un temps et fausse dans un autre. La science divine ne varie donc pas. 16. Dieu a-t-il une science spéculative des choses? Dieu a une connaissance purement spéculative de lui-même, car il ne peut être pour lui-même l'objet d'aucune opération. Quant aux autres êtres, il en a une connaissance spéculative et pratique, il sait d'une manière suréminente ce qui fait l'objet de nos connaissances spéculatives, et il réalise, quand il lui plaît, ses idées par l'action. Les mots eux-mêmes ne laissent pas que de tomber dans le domaine de sa science pratique, en tant qu'il les permet, les empêche ou les dirige. C'est ainsi que les médecins ont la science pratique des maladies qu'ils traitent. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.